Enchaîne bien sûr avec un gros programme qu'on vous a préparé justement avec 10h, 12h même de mix et de rétro avec des invités bien connus, hein. Il y a Vince, il y a Jérôme B, DJHS, Franck Gazzi, Silver, Michael Forza, une rétro de Nicolas, bref, tout ce que vous voulez entendre, eh bien vous l'entendrez tout de suite sur Galaxy. Ça commence d'ici quelques secondes jusqu'à 6h du matin non-stop, une heure de rétro. On va vous annoncer tout de suite donc le programme, ce sera une rétro-trans d'ici quelques secondes pour les meilleurs morceaux 1994 à 97. Et puis à partir de 20h, la diffusion d'un mix de At The Villa avec Johan, DJHS et Fifi. 21h, ce sera Vince au platine. 22h, ambiance La Goa du dimanche après-midi. Et puis à partir de 23h, ce sera Retro House avec Jérôme B. Minuit, DJHS au platine. Franck Gazzi à partir de 1h. 2h du matin, ce sera Silver. À 3h, une rétro de Michael Forza. À 4h, de la trans rétro avec Nicolas. Et puis je vous ferai encore un dernier set à partir de 5h du matin pour l'année 1992. Voilà, excellente soirée et je vous retrouve bien sûr à l'année prochaine. Session mix on Radio Galaxy 95.3 FM. Progressive presented to you from week-end avec Guillaume sur Galaxy. week-end avec Guillaume sur Galaxy. Happy New Year on Galaxy. week-end avec Guillaume sur Galaxy. Bon week-end avec Guillaume sur Galaxy. Happy. Guillaume sur Galaxy. Galaxy. We'll be right back. Galaxy.